Voilà, c'est l'intempestive. Et oui, on entend des sons bizarres dans la tempestive. En l'occurrence, l'extrait d'une émission de poésie sonore qui était diffusée sur la bande FM à Arras au début des années 80. Elle s'appelait Friandise, la radio des années de crise, et elle passait sur Provisoire FM ou PFM, qui existe toujours sur le 99.9 à Arras. On continue en effet aujourd'hui l'histoire des radios libres en s'intéressant à celle de PFM qui va nous être racontée par Jean et Boris, et qui sera parsemé d'extraits de l'antenne, d'hier ou d'aujourd'hui. On commence par une visite des studios avec Boris. Donc là, on entre dans le centre, on va dire, névralgique du studio, puisqu'on est devant le matériel où il y a la table de mixage, évidemment, les platines CD. On a encore une vieille platine cassette qui marche encore un peu. Un peu au ralenti, des fois, on joue avec le pitch pour que ça fonctionne. Mais il y a des gens qui marchent à la cassette en fait. Ouais, moi j'en mets de temps en temps. Ouais. Quand j'ai pas eu la possibilité de me procurer d'autres les albums que j'ai en cassette autrement, je dis bon, c'est l'occasion. Et donc, on a aussi des lecteurs mini-disques qui sont un peu. Commencent à être désuets, ça n'existe plus maintenant, mais qui nous servent énormément parce que on fonctionne avec ça pour certaines rediffusions d'émissions. On a aussi un système de chargeur autoradio qui nous permet de pouvoir programmer à peu près 6 mini-disques d'environ 1h30 chacun. Donc ça nous fait. On passe toute une après-midi avec ces mini-disques. Puis évidemment, on a quand même, technologiquement parlant, avancé, puisqu'on a un ordinateur de diffusion avec un logiciel qui gère évidemment toute la programmation quand on n'est pas là, qu'elle soit pendant la nuit, surtout à 6h. Elle se déclenche à 6h et elle s'éteint à 15h. Et puis après, c'est les mini-disques qui prennent le relais, etc. Donc on a encore quelques CD. Alors, comme on peut le constater, évidemment, c'est pas évident de faire passer visuel au micro, mais les différentes années étaient très fournies, et on peut constater quand même que 2010-2011, ça rétrécit. Les maisons de disques nous envoient de moins en moins de disques, on va dire, en physique. Ils préfèrent soit nous envoyer des singles tout simples, ou alors du MP3, parce que ça devient cher. Et puis, on comprend la démarche, mais c'est quand même assez... Ah oui, il y a quelque chose qui s'en va, quoi. Comme avant, il y avait avec le vinyle et le CD qui l'a remplacé, etc. Donc on ne peut pas non plus lutter contre ça, on va dire. Et il y a la sélection proposée par les membres de la commission de disques. Il y a une sorte de sélection qui est proposée. Alors on a chacun notre style, donc ça va de la chanson française aux musiques urbaines, à l'électro en ce qui me concerne et tout ce qui est musique électronique, et puis à la pop, rock, etc. etc. Donc c'est une sélection qu'on propose sur ce que nous on a entendu et qui nous semble le plus proche de l'image, de certaines lignes, on va dire directrices de certaines émissions. Donc, ils piochent dedans et ils s'aperçoivent que ils se servent de ces disques plus souvent que voilà. Donc, c'est une sorte d'échange en fait. Voilà. Bon, sinon, on a la salle d'animation qui est ici, donc réservée plutôt aux gens qui interviennent dans les émissions. Donc, généralement, le producteur et l'animateur de l'émission est souvent aussi son propre technicien, c'est-à-dire qu'il est lui-même derrière, il gère à peu près tout. Alors, c'est des fois, au début, quand on forme les bénévoles, ils disent « Ouh là là, c'est de la haute voltige quand même, il faut vraiment tout maîtriser ». Mais ça vient, évidemment, par automatisme, avec, comment je pourrais dire, à force de le faire, en fait, tout simplement, quoi. Et là, la superbe affiche de Radio Provisoire. Ouais, donc ça, c'était la première. Moi, je ne l'ai pas connue, celle-là, parce qu'elle date de quand, la première affiche? 81. Ouais, donc moi, j'étais pas encore sur Arras. Mais on sent déjà le côté militant et musical très fort, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui part à l'assaut avec un couteau et des notes de musique. Il part à l'assaut de la Grand Place d'Arras. Ouais, tout ça, tout à fait, ouais. En écrasant une portée musicale également, hein. Et donc la salle de réunion, je suppose. Ouais, salle de réunion avec, ben là c'est où il y a tout vraiment, ben, comment, à chaque fois que les gens arrivent, waouh, vous avez encore plein de CD, ou comme, bon, ouais, je l'ai encore constaté il y a 2 jours. Donc ben, c'est vrai qu'ils sont étonnés les gens quand ils voient arriver, donc, hein, vous avez une salle de réunion typiquement, on va dire, associative. C'est ce qu'ils me disent tout de suite. Alors, quand on leur demande pourquoi, ben, ils pensent aux bibliothèques, aux sonothèques, etc. Donc ben, oui, ça fait un peu. Ça fait un peu sonothèque, c'est vrai. Et puis ben, c'est là où on se réunit, où on se bagarre, où on sue sang et eau pour essayer de passer des messages ou des choses. Enfin, là, j'exagère un peu. Avec une expo sur l'histoire de PFN au mur. Elle n'est pas intégrale, mais il y a pas mal de dates, ouais, assez précises qui sont présentes. Donc ben, les gens, quand ils viennent, ben, généralement, ils jettent un œil, ils reconnaissent des gens. Ah, ben, lui, je le connais, etc. Et puis c'est toujours agréable d'avoir des traces du passé. Tout en gardant bah, vers l'avenir, on va dire. Waouh. Bonsoir, Bernard, sur Radio Provisoire, Blackout. Alors, je dédie cette première émission à toute l'équipe de Radio Provisoire qui va me permettre de vous faire partager ce virus, c'est-à-dire la musique. Alors, cette émission se nomme Blackout. La signification de Blackout, c'est la lumière cachée. Ces lumières sont des musiciens, des groupes, des chanteurs qu'on ignore un peu trop et qui passent pratiquement jamais, dû à une mauvaise distribution des disques ou bien à une mauvaise distribution des disques, ouais, chez les disquaires. Alors bon ben, je redis encore une fois merci à Radio Provisoire. Et maintenant bon ben, assez de blabla, on va tout de suite passer à Talk Talk. Alors Talk Talk, c'est le groupe qui a accompagné justement Genesis dans sa tournée européenne. C'est un groupe qui a sorti un 45 tours. Alors on va s'écouter Today. Today de Talk Talk. Blackout, 100 FM. Bah, je m'appelle Jean Pasqualini et donc je suis l'un des fondateurs de Radio PFM en 1981. Alors, je m'appelle Boris Guyot, donc moi je suis arrivé en tant que bénévole en 2000 et je suis salarié à Radio PFM depuis 2008. Alors, Radio PFM, en l'occurrence, en 1980, elle s'appelait pas du tout comme ça, elle s'appelait Radio Provisoire. Genre, est-ce que tu peux nous parler de comment s'est créé le premier collectif à partir duquel est né Radio Provisoire, qui a donné naissance à PFM? Alors l'histoire de Radio Provisoire, c'est extrêmement lié à l'histoire des mouvements de contestation, mouvements sociaux, politiques et culturels de l'après 68. Donc c'est lié à des gens qui ont traversé différents courants d'extrême gauche ou de l'écologie, qui ont fait un peu le tour de toutes ces organisations avec leur sclérose et leurs impasses. Et qui ont choisi à un moment donné de se regrouper dans une sorte de collectif et qui avaient décidé de se présenter à des élections en 81. Et c'était une manière en fait de terminer une période et en même temps d'essayer d'inaugurer une nouvelle période où la pratique sociale, culturelle et politique serait différente. Et c'est comme ça qu'est surgie l'idée de radio, c'est-à-dire d'essayer de trouver des moyens d'expression nouveaux, qui soient de proximité, qui soient alternatifs en fait à ce qu'on avait. Et donc évidemment, on se raccrochait au courant des radios libres, à l'explosion des radios libres qui a eu lieu après en 81. Et donc ce groupe a eu l'idée de faire une expérience de radio libre une fois, en juin 81, avec l'aide de la radio pirate libre de la région qui menait la bataille, qui était Radio Lille, qui était située dans la Maison de la Nature et de l'Environnement à Lille. Et donc, ils nous ont prêté du matériel. On a fait chez quelqu'un, dans une maison, on a fait une première expérience de radio libre. Et donc, on avait choisi parce que c'était la première émission et puis que l'association n'était pas née, qu'on voulait que les gens s'approprient cette radio. On avait choisi de l'appeler Radio Provisoire. Et puis ça nous plaisait bien parce qu'il y avait cette idée un peu de bah, on se remet en cause, il y a un mouvement de va-et-vient entre les gens qui font la radio et puis les gens qui vont l'écouter. Et c'est comme ça donc qu'on avait choisi ce nom-là. Et puis en fait, quand on a créé l'association, que de nouvelles personnes sont arrivées avec l'envie de faire de la radio, bah, ils ont voulu garder ce nom provisoire. Et peu à peu, c'est devenu Radio Provisoire, Radio Provisoire FM, puis maintenant on dit PFM. Voilà. Et donc, tu dis que c'est des gens qui ont voulu se présenter à une élection au départ. Vous étiez lié à un parti ou c'était comment vous vous identifiez à l'époque politiquement ? Bah, c'était un regroupement. Il y avait des gens, qui avaient traversé le PSU, l'expérience du PSU. Il y avait des gens qui étaient écolos. Écolos de l'époque, qui avaient particulièrement été actifs sur le terrain anti-nucléaire. Des très jeunes, hein, qui vraiment des écolos historiques, on pourrait dire. Et puis il y avait des gens qui avaient milité dans le courant révolution OCT, mais qui étaient en phase d'autodissolution. Hein. L'autodissolution de l'OCT, c'est, je crois, à quelques semaines près, c'est à ce moment-là, quoi. Hein. Bon, c'est ce genre de courant, mais... ce serait comment dire donner une fausse idée de l'époque de dire que c'était des gens issus simplement de enfin de les caractériser les gens qui se regroupaient par la traversée politique qu'ils avaient faite à travers des organisations. C'était en fait bon les nouvelles exigences nées de l'après 68, des exigences libertaires. D'ailleurs, on le retrouve dans essayer de trouver un moyen d'expression qui est pas d'accord avec le monopole d'État. Donc c'est un côté libertaire. On voulait des radios associatives, locales, évidemment non commerciales, sans publicité. Donc il y avait cet aspect libertaire. Et plus tard, quand il a fallu se battre contre l'introduction de la publicité, nous on n'a toujours fait aucune publicité, hein, l'autre aspect qui est apparu, c'est contre la commercialisation, l'expression de marché, enfin la domination du mercantilisme, quoi. Donc un côté libertaire, un côté anti-commercial. Et bon, on a appris à faire de la radio en allant. On a eu l'idée de faire de la radio, mais en fait, on ne savait pas. On ne savait pas le faire, ben, comme tout le monde à cette époque-là. Et puis, on n'était pas doués. Je me souviens, à la mission zéro, on mettait la musique, et puis on disait toujours à celui qui passait la musique, « Attends encore un peu, avant de nous donner le micro, parce qu'on avait peur. » Et curieusement, les gens qui sont arrivés à la radio immédiatement après, eux, ils se sont emparés de l'outil radio avec une facilité qui m'a toujours déconcerté. À droite et à gauche, les portes défilaient dans le même sens que moi, légèrement plus vite. À droite et à gauche, les portes défilaient dans le même sens que moi, légèrement plus vite. À droite et à gauche, les portes défilaient dans le même sens que moi, légèrement plus vite. À droite et à gauche, les portes défilaient dans le même sens que moi, légèrement plus vite. À droite et à gauche, les portes défilaient dans le même sens que moi. Et donc la première émission ou les premières émissions, c'était chez les copains, ça se passait comment ? Ouais, donc la première émission, c'est dans une maison d'Arras Ouest, chez un copain. Donc émetteur prêté, donc c'est une émission. Et puis ensuite, peu à peu, on a fait des émissions, c'était l'émission le dimanche. Donc on faisait une émission le dimanche. On allait chercher un émetteur dans une radio amie le samedi. On faisait notre émission, on cherchait toujours une bonne fréquence, mais c'est tombé toujours un peu au hasard. C'était pas embêtant pour les auditeurs, ça ? Bah, de toute manière, sur la bande FM, il n'y avait rien. avait que nous, quoi. On était la seule radio qui s'était créée. Bon, après, évidemment, c'est devenu beaucoup plus encombré, mais les gens cherchaient, ils tombaient sur nous. Donc, on ramenait l'émetteur le dimanche soir, et c'était dans les appartements successifs. Et c'est seulement au bout de quelques mois qu'on a trouvé un premier local. Ensuite, on en a trouvé un deuxième, un troisième, et là, on est dans notre quatrième local, qui, ouais. Enfin, je pense qu'il est assez stable, celui-là, on verra bien. Et donc, le contenu des premières émissions, c'était quoi ? Bah, on voulait justement avoir cette espèce de fusion entre tous les aspects de la vie sociale. Donc, il y avait des émissions à contenu social, des émissions culturelles, des émissions politiques, de débats. Et puis, on disait que la musique est extrêmement importante sur la radio. Et donc, dès le départ, on a eu une exigence de programmer de la musique, je dirais, libre. C'est-à-dire, on disait, bah ouais, on peut écouter un morceau de jazz qui dure 20 minutes, on peut passer du jazz à une chanson. Et puis, on refuse les hit-parades, on refusait les trucs de dédicace, ce genre de trucs. On était assez exigeants au niveau musical, on l'est resté. Je pense que c'est une des caractéristiques, c'est de la radio. Au niveau musical, on est assez pointu quand même et assez, assez exigeant. C'est ça un peu qui fait le point commun entre les différents animateurs, qu'ils fassent de la musique ou autre chose, c'est cette exigence, quoi. 93,8 micro-ondes au choix pour chauffer vos croissants. Ou 93,8 MHz pour charmer vos oreilles. En effet, selon la formule de certains Lemtos, chaque dimanche, Certain Lemto est entièrement produit et concocté par une équipe totalement renouvelée, mais jamais deux fois les mêmes. Jamais deux fois les mêmes, ou alors à un intervalle géométrico-temporal si médiatique que vous en aurez l'ineffable sentiment d'une fraîcheur toujours renouvelée. Vous avez structuré la grille dès le départ ou comment ça s'est organisé pour parce que les premières, donc au début tu disais que c'était le dimanche matin, je suppose qu'après, notamment avec la légalisation, vous avez dû présenter au CSA une grille plus fournie. Comment ça s'est passé tout ça ? Bah ça fait l'objet de gros débats. Bon, la caractéristique aussi de l'époque, c'est qu'on discutait de tout pendant des heures et des heures pour choisir la place d'un micro où on allait mettre la table de mixage. Ça prenait des heures de discussion. Et pour l'histoire de la grille, justement, le premier débat, c'est est-ce qu'il faut une grille ? Avec des animateurs qui soient sur un créneau d'émission particulier. Au départ, c'était tout le monde fait tout. C'est-à-dire, un dimanche, ça peut être quelqu'un qui fait une émission pour enfants, une séquence pour enfants, quelqu'un qui fait une émission de jazz, mais la semaine d'après, les rôles peuvent permuter. Ça a été le premier débat et la première divergence entre nous. Et finalement, bon, on a bien vu qu'il fallait, on était obligé de stabiliser quelque chose et se mettre chacun dans des créneaux d'émission hebdomadaires, si possible hebdomadaires, voilà, avec chacun son type d'émission, ce qui n'empêchait pas qu'on puisse se retrouver sur des choses communes. Mais on voit bien qu'en même temps, ça a eu des conséquences dommageables, entre guillemets, c'est que finalement, on a des animateurs, ça c'est encore vrai aujourd'hui, qui sont dans leur émission et qui ont du mal ensuite à passer à un partage commun du projet de la radio, quoi. Tu évoquais la question de la pub tout à l'heure. Ça a été un sujet de combat fratricide dans le milieu des radios libres à leur création pendant les premières années, dans les années 80. Donc Radio Provisoire puis PFM s'est positionné là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce que vous vous êtes affilié à un syndicat plutôt qu'à un autre à cette époque-là? On était, je crois que ça s'appelait la FNRL, hein, tout le monde était à la FNRL. Et, Fédération donc, nationale des radios libres. Voilà. Et nous, on était contre la pub. Ça a fait l'objet d'un un petit peu de débat dans la radio, parce qu'on disait, bah oui, mais comment on va faire pour se financer? Bon, après, il y a eu le fonds de soutien, tout ça, donc la question a été vue d'une autre manière. Mais globalement, on était contre la pub. Puis, bon, pour des raisons, je dirais, de fond, mais aussi parce que ça nous cassait les pieds, quoi. Quand on imaginait qu'il allait falloir que des gens aillent démarcher pour avoir une publicité, la passer à l'antenne, personne n'avait envie de ça, quoi. Ni de faire le boulot pour récolter de la pub, ni d'écouter de la pub, de la montée. Vraiment, c'était pas notre truc, quoi. Donc on était contre, et on reste 100% sans publicité, quoi. Du coup, comment PFM s'est organisé pour se financer et puis pour organiser un peu la pérennité de l'antenne? Alors au départ, c'est les cotisations. Et ça a un côté un petit peu d'ailleurs au départ assez... Il y a un reste de la militance de la période précédente. C'est-à-dire, bon, on donne, je ne me souviens plus le chiffre, mais on donne un pourcentage de notre salaire chaque mois. C'est assez costaud. Mais syndicaliste, bon. Comme organisation. Ouais. Et puis, donc c'est comme ça qu'on arrive à acheter un émetteur, on fait des emprunts entre nous. Bon, c'est sûr que ça a une limite, ce truc-là. Et on arrive à se financer quand il y a le fonds de soutien. De toute manière, les radios associatives, aujourd'hui, elles tiennent, parce qu'il y a le fonds de soutien, l'expression radiophonique, hein. C'est ça qui quand même structure, je crois que c'est pour nous, c'est 60% de nos ressources. Hein. C'est ça qui structure l'existence des radios libres aujourd'hui. Après, on a, bon ça Boris pourra peut-être en parler, on a développé, dès qu'on a pu créer un premier emploi, puis un deuxième, puis un troisième, on a pu développer des ateliers dans les quartiers, des ateliers d'expression, on arrive à faire des partenariats avec la fac, avec un atelier étudiant, et ça, on arrive à être subventionné. Et puis, on a un partenariat, ben ça, peut-être, Boris, c'est par là, avec le conseil général, avec le conseil régional, qui favorise les actions fédératives entre les radios associatives de la région. Et ça, ça nous aide bien. Et là, on est donc le studio, et il se trouve à l'intérieur du centre culturel d'Arras, c'est ça? C'est lié à la municipalité ou bien? Alors, c'est l'office culturel, c'est-à-dire c'est en gros la maison des associations culturelles de la ville. Donc, c'est une structure municipale. Mais en fait, nous, on est locataire de la ville. On n'est pas locataire de l'office culturel qui a sa direction, etc. On est locataire de la ville. Et on a demandé, nous, à payer un loyer. Donc on paye un loyer au tarif classique des mètres carrés loués par les municipalités. Donc on paye un loyer, normalement, par souci d'indépendance, quoi. Mais justement, est-ce qu'on peut parler un peu de ce rapport avec les collectivités locales, régions, départements et villes, puisqu'il y a quand même... Enfin, vous me direz si vous partagez l'analyse, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de radios associatives qui se sont fait un petit peu piéger par ça et qui sont tombées, enfin qui deviennent en fait la radio de la mairie ou bien la radio de la région. Je ne sais pas trop. Nous, on n'est pas dans ce créneau. Enfin, on va dire que on a développé nous avec certaines structures que ce soit ville, mais de la région. On fait une sorte de rapport de confiance, puisque ben, généralement, on a des ateliers avec des enfants qui sont soit issus de centres sociaux, soit des enfants qui viennent de collèges, de lycées. Notamment, on couvre aussi la semaine de la presse avec un lycée, le lycée Baudimont, qui est présent, et ça marche énormément avec toute la presse locale. Et donc, on n'a pas ce problème de récupération, je pense, municipale, sachant que nous, au travers de nos actions, au travers de nos reportages, de nos interviews, même dans le cadre d'interviews un peu plus, on va dire, politiques, comme dans le cadre des élections, on n'a pas de parti pris, c'est-à-dire qu'on essaye de vraiment rester neutre, et ça ne nous dérange pas de poser les questions qui font mal quand elles sont nécessaires. Donc je ne pense pas qu'il y ait une histoire de récupération. Il y a peut-être une certaine méfiance, à mon avis, on est toujours un peu méfiants les uns les autres, mais non, je pense que de ce côté-là, on vit en bon voisinage, on va dire. Bonjour à tous, c'est Avis à la Populace, l'émission du collectif pour un lieu culturel autogéré et indépendant à Arras. Toutes les personnes qui prendront la parole dans cette émission mensuelle sont plus ou moins investies dans le collectif. Mais comme on souhaite que cette émission elle soit vraiment nuancée et équilibrée, elle sera animée et donc modérée chaque mois par une personne différente, une ou deux. Alors nous vous proposons de commencer cette petite heure ensemble par une intervention de Bertrand, qui est un peu à l'origine du collectif, pour nous expliquer en quoi consiste ce collectif. J'imagine, cher auditeur de PFM, qui d'un coup entendait cette intervention pirate sur les ondes de PFM, que vous avez entendu parler du collectif et de la fichette qui disait « Qu'est-ce qu'on se fait chier à Arras ?» Le « Qu'est-ce qu'on se fait chier à Arras ?» n'est pas juste une phrase simple et ordurière sur du papier mâché. C'est aussi avant tout le collectif de personnes motivées qui en ont marre et qui en aura les baskets de s'emmerder ferme à Arras et qui veulent prendre leur destin en main et leur vie culturelle et citoyenne dans cette bonne ville d'Arras. C'est pour ça. Qu'est-ce que le projet ? Tout simplement le projet de la populace, de la vie à la population pour un lieu culturel autogéré et indépendant à Arras. C'est tout simplement de vouloir se trouver un petit lieu pour les personnes, les jeunes, les moins jeunes, les plus motivés, au sein d'Arras, indépendant de notre chère ville, et qui permettent à tout le monde d'échanger, de discuter tout simplement avec amour et passion autour de projets artistiques. Waouh. Bah, je pense que sur c'est ces beau, quelques... C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Ce n'est pas que de l'utopie, on l'espère, on y croit. Avis à la populace sur PFM. Le deuxième lundi de chaque mois à 21h30, rediff le lendemain à 17h. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment la grille s'organise aujourd'hui et en parlant, en évoquant quelques émissions? Alors, elle évolue chaque année, on va dire, elle évolue peu, puisqu'il y a peu de départs, il y a peu d'arrivées. C'est très rare qu'une flopée d'émissions parte une année et une flopée d'émissions arrive la suivante. Mais on a toujours, on a instauré un système de formation. Évidemment, il y a une liste d'attente où il y a toujours de la demande de gens pour faire des émissions, parce qu'ils nous écoutent, parce que ça leur correspond, parce qu'à un moment, ils se disent « ben, je peux y aller ». Voilà, c'est aussi fait pour moi, la radio. Du coup, il y a quoi comme type d'émission musicale, culturelle? Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu tout ça? C'est très éclectique. Donc, il y a des émissions qui sont un peu dites classiques maintenant, qui sont les plus anciennes, on va dire. Je prendrais le cas d'Easy Rider, qui a fêté sa millième l'année passée. Hein, je pense que c'était l'année passée ou cette année. Ouais. Donc, qui est une émission pour nous, une émission de référence, parce qu'ils sont tellement rodés qu'on a l'impression que... ils sont là tout le temps, quoi, en fait. C'est vraiment les voix, un peu les voix de PFM, on va dire. Une émission très rock, très rythmée, très dynamique. Donc, eux, ils ont leur concept et ils tiennent la route. Après, il y a d'autres émissions aussi qui arrivent, des nouvelles dont on n'avait pas vraiment entendu avant sur PFM. Je prends notamment, qui hélas, malheureusement, n'existe plus, et c'est bien dommage, une émission qui durait que 30 minutes pour une émission qui était faite pour les enfants par un animateur. Et celle-là, malheureusement, elle a disparu. J'aimerais bien qu'il y ait un créneau qui soit pris aussi, parce que c'est aussi important, la génération d'après, si on peut les faire. On sait les difficultés maintenant avec tout ce qui est nouvelles technologies, etc., pour faire écouter la radio d'une manière un peu classique. Donc, c'est un point positif. Et sinon, les genres sont complètement éclectiques. Il y a de tout. On ferme la porte à... Très, très. Je me souviens pas d'avoir entendu une émission se voir refuser de par son style. Donc, généralement, les personnes aussi qui présentent un projet savent très bien un peu la ligne qu'on a. Et elles vont pas venir nous présenter une émission totalement de dédicace, hein, si je reprends un peu ton propos tout à l'heure. Voilà, ou un but commercial sur les ondes. Donc, elles amènent un projet qui est déjà dans notre ligne. Donc ça va du rock à la pop, au zouk, aux musiques du monde, au rap, au hip-hop, aux créations plutôt sonores, musique électronique, et puis ça va dans tous les sens, quoi, en fait. Il y a des émissions sociales et politiques sur l'antenne ? Ouais, bah notamment celle de Jean qui s'appelle Tumulte, hein, qui quand même où t'as un invité bien souvent qui parle de faits d'actualité. Tu peux peut-être. Ouais, c'est un magazine qui a aussi pas mal d'ancienneté. C'est un magazine donc il y a un côté musical qui est musique qu'on pourrait dire musique innovatrice, hein, qui traverse un peu différents styles. Et puis il y a des invités. Alors il y a des invités réguliers. Il y a notamment Sylvie Neve qui fait de la poésie sonore. Et puis nous avons aussi un rendez-vous où on essaye un peu de, je sais pas comment dire, faire une lecture de l'économie un peu alternative avec Laurent Cordonnier qui a commencé la radio ici à l'âge de 15-16 ans et qui est économiste et qui enseigne l'économie à l'université Lille 1. Donc on fait une espèce de discussion sur l'économie. Et puis on peut avoir des reportages, des invités dans cette émission. Toi, Jean, tu as vu une évolution dans le style des émissions, la nature des émissions sur l'antenne depuis la création de la radio ? Pour moi, le premier changement, c'est dès qu'il y a eu des gens extérieurs au groupe de départ qui sont arrivés. Parce que tout de suite, ils ont pratiqué de la radio parce qu'ils avaient envie de faire de la radio déjà. Et ils maîtrisaient immédiatement l'outil radiophonique. Pour moi, c'était le premier changement par rapport à nous, par rapport à moi. Quand j'ai vu ces gens, le premier truc qui m'a marqué, c'est celui qui a créé les premiers jingles pour la radio. Ils sont sur le site, là, Jingle Fou à Damien Fou. C'est le premier personne que j'ai jamais vu. Qui prenait le tourne-disque et qui faisait tourner les disques à l'envers et qui accélérait le rythme. Il avait anticipé sur ce que le rap a fait, enfin la culture hip-hop a fait après, quoi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah tiens, on peut écouter les disques à l'envers, on peut les accélérer, les décélérer, enfin tout ça, voilà. Et après, il y a eu, c'est surtout des gens qui ont apporté de nouvelles exigences musicales. Qui était sensible à l'émergence de nouveaux courants musicaux. C'est incarné par des personnes à la radio, hein, ça n'a pas de sens peut-être trop de dire leur nom, mais enfin, Thomas, François, Nico qui a apporté le hip-hop, enfin tout ça, c'est des gens qui ont apporté du sang neuf avec des nouveaux courants musicaux correspondant à des évolutions aussi de la société. Sur la manière de faire de la radio, ça c'est quand même c'est plus rigoureux, c'est mieux foutu, il y a moins d'improvisation, de mauvaise improvisation. Parce que par exemple, Boris parlait de l'émission Easy Rider. Bon, ils arrivent, ils n'ont pas de texte préparé, mais ils écoutent de la musique à longueur de journée. C'est-à-dire, c'est pas de l'improvisation. Ils improvisent sur quelque chose de solide. Donc là, ils peuvent se laisser aller. Puis ils ont du talent pour le faire. Bon, on ne peut pas improviser si on n'a pas travaillé en amont, quoi. Voilà. Ce qui est marquant aussi, c'est au niveau du montage. Il y a des gens qui sont quand même très, très performants sur le montage sonore, qui font ça vraiment très bien, quoi. I got some new ringtones for you. Next. I got some beats, I got some next. Dope. I got some new music for the radio. Next. I got some new video hits for you. I got some new movie shit for you. Yo. Next. Yo. Next. Isn't there anybody on this planet that got beats? Man, it's happening! It's dangerous, man! I'm a performance à moi tout seul! À la con! Je suis un oiseau! Moi aussi, je suis un oiseau! L'accident a été évité de justesse. From the entertainment capital of the world. Trampoline. Quand on a des armes nucléaires, on fait un peu attention. Oh mais tu n'as pas à t'inquiéter. Dans la vie, pratiquement tout est précaire. La santé, c'est précaire. L'amour, c'est précaire, malheureusement, parfois. L'entreprise, c'est précaire, c'est fragile. Les choses peuvent être fragiles pour le salarié. Les choses sont également potentiellement fragiles pour l'entreprise. Here I sit in the prison of my mind, tormented by my radio. Tremplopline, émission rap, etc. Tremplopline, c'est moyenné, mitonné, maturé chaque semaine et tour à tour par Cam ou Bips. Ça passe sur les ondes alternatives libres et sans pub de RCV 99 FM à Lille le mercredi à 17h et sur PFM 99.9 à Arras de retour le samedi à 19h et puis aussi le dimanche à 21h et le mardi à 16h. Collectionne nos MP3 sur la toile tremplopline.blogspot.com. Separate yourself from wickedness. Est-ce que vous voulez maintenir l'esprit amateur, radio amateur des débuts, ou est-ce que je pose une question qui a l'air extrêmement binaire, mais vous pouvez y mettre beaucoup de nuances, hein. J'espère que vous les mettrez. Donc est-ce que vous souhaitez garder cet esprit radio amateur, ou est-ce que vous poussez vers une certaine professionnalisation sur l'antenne ? Ben, sur le fond, il faut garder un certain esprit de radio amateur, parce que c'est ce qui nous met des limites. Et sur la forme, on peut enfin oui, il est important d'adapter un ton professionnel pour qu'on soit pris au sérieux. Tout dépend des domaines. Si c'est une émission de musique, on va dire classique dans le style où c'est juste présenter des artistes, etc. Peut-être que sur la forme, c'est peut-être pas nécessaire, on va dire. Il suffit juste d'avoir des précisions, de pas dire de bêtises à l'antenne. On va pas annoncer des sorties d'albums qui n'existent pas ou des titres qui n'existent pas, etc. Donc là, à ce moment, il faut quand même, malgré tout, même pour un animateur bénévole, un minimum de recherche s'il veut que son projet tienne la route. Après, si c'est pour dans le cadre nous, comme on le fait en tant que salarié, on a un magazine d'information évidemment local, et là on se doit d'être plus professionnel, donc il faut être très carré sur les sources à laquelle on s'adresse, etc. Et puis surtout aux auditrices et aux auditeurs, faut pas non plus les prendre pour des abrutis, donc il faut avoir une certaine façon d'annoncer les choses et de voir les choses tout en gardant le côté amateur, parce que de toute façon l'auditeur le sent bien, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il nous écoute, je pense, mais en étant quand même en se mettant, et c'est ce qui nous permet justement, je disais tout à l'heure, de nous mettre des limites pour que le côté professionnel s'installe plus confortablement et sans stress, parce que c'est pas toujours évident de maîtriser un sujet dont on n'est pas forcément toujours au courant ou qu'on n'entend pas parler tous les jours. Et au niveau des infos locales, ça veut dire quoi pour vous faire de l'info ? Si tu veux répondre. Grande question. Ouais. Par exemple, il doit bien y avoir France Bleu Arras ou France Bleu du coin, qui n'a probablement pas du tout la même conception de l'info que vous. Donc, comment est-ce que PFM va se définir, quoi, par rapport... On ne parle pas du tout des moyens, naturellement. Mais en termes de rapport à l'information, de rapport à la rue, voilà, comment t'en parlerais ? Bah, on n'a pas la même approche, en fait. On peut utiliser le même sujet, mais on n'a pas la même approche. C'est-à-dire que nous, on va aller se diriger directement vers les gens de la rue, enfin, concernés, on va dire, par le problème que... et moins aller voir les personnes qui sont... en périphérie, les politiques, les élus, etc. Je sais que, comme exemple, nous, il y a une fête de quartier, on va dans le quartier, on ne va pas aller interroger ou interviewer l'élu qui est là juste pour dire « bon, bah, c'est mon quartier, on a fait ci, on a fait là ». Nous, on va aller voir les gens directement, parce qu'eux, ils vont dire aussi « oui, c'est bien, mais des fois, voilà, ils ne sont pas contents, donc ils le disent ». Et d'une manière, sans vraiment aller, on va dire, jeter... le feu sur les autres, on essaye quand même de garder un ton neutre, mais tout en allant plus vers les gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et voilà, je pense que c'est ça aussi, le fait qu'on a un abord différent. Ouais. Et tout à l'heure, tu as utilisé pas mal de fois la référence à l'auditeur, quoi. Tu as beaucoup parlé des auditeurs. Ouais. Et c'est un truc qui est très frappant dans le projet radiophonique qui est mis en ligne sur le site de PFM. C'est la grande place que PFM accorde à l'auditeur, y compris dans la définition même du projet radiophonique, où je crois que vous écrivez qu'on ne s'adresse pas ici à un auditeur moyen qui serait un produit statistique, et qu'on développe un esprit critique. Est-ce que vous pouvez parler de ça ? Bah en fait, notre idée, c'est que l'engagement de la radio, il se joue dans le rapport à l'auditeur. Pendant, ça, c'est des discussions qu'on a eues vraiment au moment de la création de la radio et ensuite. Au départ, par exemple, il y avait des débats, est-ce qu'on est une radio de gauche, est-ce qu'on est une radio populaire, etc. Où se situe notre engagement? Parce que bon, c'est clair qu'on est, on n'est pas neutre, on est une radio engagée, on va donner la parole, par exemple, aux gens qui se bougent. On a, c'est ce que disait un peu Boris, on a envie de donner la parole aux gens directement, que les gens s'expriment par eux-mêmes. Il y a une parole directe. Donc on se demandait où est l'engagement de la radio. Et je pense que ce qu'on a cerné, c'est que l'engagement d'une radio, il se joue principalement dans le rapport à l'auditeur. Et le rapport à l'auditeur, donc, c'est déjà de dire, bon, ben, on n'est pas une radio qui cible un certain public. On va faire une radio, par exemple, pour les 15-20 ans. Les 15-20 ans étant ceux qui sont habillés de telle manière, qui écoutent telle musique, etc. quoi. On fait pas, on n'essaye pas de faire ce type de produit radiophonique. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait toujours l'espace, mais ça c'est vraiment l'outil radio aussi qui le permet fortement. Il faut toujours qu'il y ait l'espace pour que l'auditeur ait une écoute critique de ce qu'il entend à PFM. Quoi que la personne ait à dire à l'antenne, qu'elle dise quelque chose engagé de manière progressiste ou pas, ce qui compte, c'est que l'auditeur, il ait envie, par exemple, quand on fait le truc sur l'économie dans l'émission Tumulte, on le fait un peu sous forme de débat, et ce qu'on souhaite, c'est que en fait, les gens soient conquis un peu par l'enthousiasme qu'on a à débattre, à discuter, et qu'ils aient envie eux aussi de participer à la discussion, que ça soit un truc vivant, quoi, et qu'ils aient aussi leur mot à dire. Alors après, évidemment, c'est toujours difficile d'avoir le retour des auditeurs. Non, évidemment, quand on rêvait de la radio idéale, au départ, on disait, ouais, les auditeurs, ils prennent la parole, ils sont au téléphone, ou alors ils viennent, etc. Ouais, ça marche pas aussi simplement que ça. Et finalement, le meilleur rapport qu'on a avec nos auditeurs, c'est les auditeurs qui viennent faire des émissions. Si un jour, on n'avait plus de... Bon, là, on est une cinquantaine d'animateurs, en gros, à la radio, sur une petite ville comme Arras, hein, bon, c'est ce qui est pas mal. Le jour où on verra qu'il n'y a plus personne qui cogne à la porte pour venir faire des émissions, pour partager des passions, etc., là, ça nous inquiétera dans notre rapport aux auditeurs. Ça rejoint un peu la question que tu avais posée sur amateur professionnel. L'amateur, c'est celui qui aime, quoi. Pour nous, c'est ça la première chose, c'est qu'on veut garder le fait que des gens viennent à la radio par la passion qu'ils veulent partager. Ils peuvent devenir professionnels. Bon, nos trois salariés sont des anciens animateurs bénévoles de la radio. Ils le restent d'ailleurs. Ils ont leur propre émission en tant que bénévoles en dehors de leur statut de salarié, mais il faut garder cet aspect la radio accessible et pour de gens qui aiment, quoi. Mon poste est trop vieux, mon poste ne marche guère. Nous sommes d'accord pour des radios libres. Nous sommes d'accord pour des radios libres. J'emmerde la radio. Rien de bon sur la FM. Je trouve ça cool parce que leur but c'est pas de se tirer du fric en fait. C'est pas la même façon de traiter l'information que ici à la radio. On va suivre le mouvement jusqu'au bout. Here I sit in the prison of my mind, tormented by my radio. C'est la radio, oui, parce que c'est là où on s'échange des choses. T'as entendu ça et puis on écoute enfin, ouais, c'est bon, on partage. Et... Trente ans après la libération de la FM, que reste-t-il de l'esprit des radios libres ? On a rencontré celles et ceux qui animent des émissions sur les radios associatives de la région. Portrait de radioteur. Portrait de radioteuse. Have a Trip et Have a Travel sont deux émissions musicales que vous pouvez écouter sur les ondes libres de RCV 99 FM à Lille. Rencontre avec l'animateur de ces émissions. Oui, bonjour, bien, je suis Thierry Dicoul, pour résumer mes sobriquets. Animateur de RCV depuis 89. Alors, du coup, ça vient d'où ce blaze ? En fait, à l'origine, c'était un surnom radiophonique qui est ridicule. Et quand j'ai commencé à faire du DJing, bon, je trouvais que D cool, ça faisait plus DJ que D cool, donc DJ D cool, quoi. Justement, c'est quoi le rapport entre les salariés et les bénévoles ? C'est quoi le rôle des salariés par rapport aux bénévoles ? Ah, c'est une grande question, ça. Parce que déjà, nous, en tant que salariés, des fois, on n'arrive pas trop à faire la différence entre le bénévolat et... Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Bah, on essaye d'instaurer, évidemment, des règles, comme dans toute association, ou surtout quand on est une radio, on est lié à des règles. Généralement, ça se passe toujours bien. On arrive toujours à trouver des climats d'entente, même quand il y a des petits accrochages. Les bénévoles, eh ben, on les sollicite chaque fois qu'on organise quelque chose, même nous, en tant que salariés. C'est-à-dire que les bénévoles sont bienvenus. Un bénévole peut faire un reportage, une interview qui passera dans le cadre de notre magazine Info 30. Mis à part peut-être que le montage, on s'en occupera. Mais il a toute sa place dans le magazine d'info. Et on leur prête le matériel et ils savent très bien de toute façon qu'ils peuvent compter sur nous pour justement les aider, les guider et les convaincre de pouvoir faire ce genre de choses. Et puis, on vit dans une bonne convivialité. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de gros problèmes, on va dire. Non, ça se passe très bien. On arrive à... Il y a des frontières, mais on arrive à les passer de chacun de son côté sans vraiment se gêner, quoi, on va dire. Oui, il y a une difficulté que j'ai déjà citée au début, c'est le fait que des gens qui font une émission, par exemple hebdomadaire, ils s'investissent au-delà de leur émission. Mais bon, ça se comprend, parce que faire déjà une émission hebdomadaire, c'est un gros truc. Et puis, donc ça prend du temps. Faire encore quelque chose en plus, ça c'est quand même une difficulté. Ça se fait pas complètement facilement. Alors, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a plein de gens qui viennent faire plein de trucs, et puis il y a des périodes, un peu plus calme. Ça, c'est une première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est peut-être aussi arriver à renouveler les personnes qui structurent, entre guillemets, un peu la radio, quoi. Il y a eu une période de militants de radio. Cette période, elle est difficile à prolonger. Il y a pas, on voit peu apparaître de gens, tiens, qui vont se dire moi je pense que le projet radiophonique il doit se développer comme ça, et puis qui vont s'investir dans le conseil d'administration. Ça se fait, mais doucement. Et la radio, justement, elle, au niveau des espaces collectifs, des espaces de discussion, de réunion, il y a un CA, il est ouvert ou pas ouvert, comment ça fonctionne en fait? Alors, toute réunion de la radio est toujours ouverte. Donc, le conseil d'administration se réunit tous les 15 jours. Soit c'est le samedi après-midi à 15h, soit le lundi à 20h. Bon, c'est alternativement l'un et l'autre. Et toutes les réunions du CA sont ouvertes. Donc, les gens, à partir du moment où ils sont animateurs, ils viennent. S'ils veulent, ils peuvent assister à une partie du CA ou pas, ou à l'intégralité. Ils font comme ils veulent. Donc ça, c'est un principe. On a toujours mis ouverture des réunions. Et puis les gens aussi, ils peuvent même voter. Enfin, c'est très rare qu'on ait à voter en CA. Souvent, on cherche des consensus. Mais toutes les réunions du CA sont ouvertes. Et puis, on essaye de développer au maximum des commissions. Il y a une commission programmation musicale, organisation, comment s'organiser pour les disques qui arrivent, l'écoute, etc. Il y a une commission équipement. Là, on a fêté donc cette année le 30e anniversaire de la radio et des radios libres. Ben, on a fait une commission sur ce thème-là, puis on a défini plein d'actions. On a fait une soirée ciné-radio avec deux films. On a fait des soirées dans des cafés DJ. Il y en a une prochaine dans une semaine. Dans une semaine. Il y a quelques jours, c'était le concert anniversaire de la radio avec HK et les Saltimbanques. Et puis une première partie, l'Esprit Marron et Racine Papa. Bon, à chaque fois, on essaye de développer des commissions ad hoc, quoi, pour qu'il y ait le maximum de gens qui puissent participer. Tu parlais beaucoup d'actions en extérieur. Justement, est-ce que vous pouvez parler de l'implication d'Arras sur l'extérieur, le fait que la radio aille vers les auditeurs, aille dans la rue? Ben ça, on s'est rendu compte depuis un petit moment, au travers d'ateliers qu'on organisait ici dans les locaux, que ben, les jeunes appréciaient de plus en plus. Alors c'est aussi intéressant parce que ça permet aussi un peu de faire... De penser à renouveler un peu aussi avec cette génération qui arrive. Et donc, on a fait l'acquisition récemment d'un studio mobile. Et là, donc voilà, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose quand même. Et nous, notre rôle, ben, maintenant, c'est d'aller en collaboration avec des structures qui existent déjà, notamment sur la périphérie d'Arras. Je prends les quartiers d'Arras Ouest. Et on va essayer de développer une sorte de rencontre avec les habitants autour d'un studio mobile où ben, les gens pourront venir débattre. Pourquoi pas avec des élus, pourquoi pas entre eux, pourquoi pas avec des gens intergénérationnels, on veut que ce soit intergénérationnel, les former au minimum de la radio, comment faire de la radio facilement, au travers de petits micro-trottoirs, au travers de petites chroniques qu'ils ont préalablement écrites, et évidemment on les aidera, et d'établir comme ça un contact, mais qui soit permanent, c'est-à-dire pas ponctuel, parce que plus il va devenir permanent, et je pense que c'est là aussi le moyen pour nous de pouvoir faire venir de la jeunesse à la radio, et puis de fidéliser, on va dire, pour les années futures, l'antenne, etc. Et en même temps, ça les fait réagir sur des faits de société dont on penserait pas qu'ils réagiraient, finalement, ça leur parle. Moi, j'ai toujours le souvenir de cette fameuse émission qu'on a fait avec l'école des jeunes sourds. Alors, on se disait au départ, mais comment on va faire une émission avec des jeunes sourds? Ça paraissait un peu improbable, et ça s'est très très très bien déroulé. Il y a eu un super débat, et on était vachement contents, et eux aussi. Donc, pour nous, c'est tout bénéfice, quoi. C'est tout gagnant. Vous travaillez en collaboration avec d'autres radios associatives du coin ou de plus loin? Alors, il existe une fédération des radios associatives du nord de la France, qui s'appelle justement la FRANF. Et cette fédération, elle existe depuis 20 ans, je crois, maintenant. Ouais, je crois que ça fait 20 ans. Et là, il y a un nouveau dynamisme de cette fédération. Toutes les radios de la fédération, on est 16, toutes les radios ont envie de renforcer l'aspect fédératif, justement, d'actions communes. Et aussi parce qu'on a réussi à définir un partenariat avec le conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Alors ce partenariat, il est intéressant parce qu'il nous consolide aussi financièrement. Bon, alors évidemment, c'est une convention sur 3 ans, renouvelable, mais bon, il peut y avoir toujours une incertitude là-dessus. Mais donc, c'est basé sur le principe suivant. Le conseil régional attribue aux radios l'équivalent de ce qu'elles touchent en FSER aide sélective. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et surtout, le conseil régional subventionne la FRANF pour la mise en place d'actions radiophoniques fédératives. Et donc, on a mis au point un système d'échange radiophonique régional. Alors, sous la forme de reportages qui ont une durée entre 10 et 14 minutes, en moyenne 12 minutes, avec un système de validation collectif. Et les radios qui sont fédérées donc diffusent un certain nombre d'heures par semaine ces reportages. Avec des tas de débats entre les radios sur l'exigence de qualité, de qualité technique, de choix des sujets, etc. Donc ça fait tout un processus d'échange et de réflexion au niveau de la fédération, un processus qui renforce mutuellement les radios. Et ça devient intéressant parce que là, il y a l'apparition en fait d'un média régional. Un réseau, enfin ça ne veut pas dire un réseau au sens des réseaux commerciaux, hein, mais un système d'échange qui permet de renforcer l'aspect média régional. Ça, c'est en progression. Et évidemment, ça rejoint une des questions que tu avais posées. On a la totale liberté éditoriale sur les sujets. On a défini aussi un partenariat avec les conseils généraux. Alors ça s'est fait dans le Nord et puis ici dans le Pas-de-Calais. Et là aussi, on a une subvention là, qui est attribuée aux radios séparément pour produire des sujets d'intérêt départemental, entre guillemets, quoi. Et toujours avec l'indépendance éditoriale. Le magazine des radios du Pas-de-Calais, émission réalisée par les radios associatives du département en partenariat avec le Conseil général. Salut Jérôme. Salut Nico. Au sommaire de ce magazine ce mois-ci, un sujet sur la situation des Roms dans le Boulonnais. On parlera du droit au logement avec le RESEL. Le bassin minier candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. La réhabilitation de la fosse 99 bis de Wani. Un sujet sur la coupole musée bunker souterrain à Saint-Omer. Et puis une présentation du salon du livre d'expression populaire et de critique sociale le 1er mai à Arras. On touche à la fin de l'émission. Est-ce que vous revendiquez le terme de radio libre aujourd'hui ? Oh bah, totalement, ouais. Totalement. Alors, quand on nous demande de préciser, quand des journalistes nous demandent de préciser, on dit que bon, on s'est battu pour la libération des ondes, donc contre le monopole d'État, et on s'est battu ensuite contre la libéralisation des ondes avec l'introduction du principe commercial par le biais de la publicité. Et c'est ce côté-là qu'on donne, c'est ce contenu-là qu'on donne au mot radio libre, libre ou libertaire, parce qu'en fait c'est un peu la même chose, quoi. Espace de liberté, bah oui. Oui, oui, moi je revendique vraiment ce côté radio libre et sans faire de fatalisme, le jour où ça n'ira plus, peut-être qu'on sera encore les seuls à être justement sur le terrain, à pouvoir être écoutés et à pouvoir justement informer les gens. Moi, c'est une image qui me vient à l'esprit, c'est jamais. Et on y verrait même de l'optimisme plutôt que du fatalisme. Les radios libres sont là pour un bout de temps encore. C'était l'intempestive avec l'histoire de PFM qui émet toujours sur le 99.9 à Arras. Et elle était racontée par Jean Pasqualini et Boris Guyot, qu'on remercie beaucoup, ainsi que Nico qui a bien aidé à la réalisation de cette émission. Vous avez pu y entendre des extraits passés et présents de l'antenne avec Pour le passé, Blackout, Friandise, la radio des années de crise, Certains Lemto, et puis sous ma voix actuellement, Le bal perdu. Et pour les émissions actuelles, il y avait Tremploplin, Avis à la populace, le magazine des radios du Pas-de-Calais et des émissions spéciales réalisées à l'occasion des 25 ou des 30 ans de PFM. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions ainsi qu'une foultitude d'archives sur le site de Radio PFM, radiopfm.com, et sur les sites de ces émissions, tremploplin.blogspot.com et populace.over-blog.com. Cette émission sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère et elle restera en ligne, en libre écoute et téléchargement sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.